y crois, à toutes ces conneries qu'on raconte sur sa vie. Elle me trompe, paraît-il, et je suis folle, jolie. Mais je ferme les yeux, je suis trop amoureux. Pamela, Pamela, Pamela, que serais-je sans toi? Pamela, Pamela, Pamela, que serais-je sans toi? Elle a un grand cou blanc et des dents de serpent, et sous son œil de verre se cache une nature de pervers. Pamela, Pamela, Pamela, que serais-je sans toi? Pamela, Pamela, Pamela, que serais-je sans toi? Elle m'a laissé tomber au milieu de l'été, emportant tout l'argent que je lui avais confié. Pamela, Pamela, Pamela, que serais-je sans toi? Pamela, Pamela, Pamela,